enquête récente effectuée aux États-Unis révèle qu'un homme noir reconnu coupable d'avoir tué un blanc a quatre fois plus de chances d'être condamné à mort que si un blanc avait tué un noir. Ce monde est pourri.